Salut à tous et bienvenue à l'épisode 6 d'Épistémia. Deuxième partie d'une discussion avec Sébastien Monnetroy sur le son et sa synthèse. Sébastien, biochimiste de formation et aide fromagier de métier, qui était avec nous à l'épisode 2 et bien sûr l'épisode 5, continue de nous parler d'un de ses champs d'intérêt. J'imagine que je pourrais définir le sujet de l'émission comme ceci. Comment produire du son de manière synthétique, donc avec de l'électronique? Nous faisons un survol des types de synthétiseurs et de leur fonctionnement, ainsi que le fonctionnement des haut-parleurs, entre autres. Si vous vous êtes déjà demandé ce que faisaient les petites roulettes sur votre ampli de guitare, comme moi d'ailleurs, la réponse se trouve à l'intérieur de l'émission. Je vous souhaite une bonne écoute, ça commence maintenant. Donc, bienvenue à la partie 2 de la synthèse du son. Salut Sébastien. Bonjour Gab, merci pour l'invitation. Ah, y a pas de quoi. Donc, la dernière fois, quand on s'est quitté, tu allais nous parler de la synthèse comme telle. Autrement dit, du son, donc les synthétiseurs. Ouais. Comment, avec une machine, on va reproduire un son existant ou même inexistant, du domaine de l'impossible, et ce, en additionnant des ondes sinusoïdales. Ce qu'il faut comprendre du synthétiseur additif, c'est que c'est pas apparu immédiatement. Le problème du synthétiseur additif est facile à voir d'un point de vue économique, c'est que ça va me prendre, si par exemple on est avant l'invention de l'ordinateur ou c'est déjà inventé mais c'est super cher, ça prend un stade de football. J'ai besoin d'utiliser des composantes analogiques et si j'ai besoin de ça 16 fois, ben, ça coûte 16 fois plus cher. Donc, le synthétiseur additif est difficilement applicable, malgré qu'il va finir par en avoir. OK, c'est quoi un synthétiseur additif, juste pour... C'est un synthétiseur qui va faire une quantité d'ondes et qui va les additionner ensemble, comme on additionne à la dominante plusieurs harmoniques. Et puis, d'avoir le contrôle sur les harmoniques qui sont additionnées, ça nous permet de générer le son qu'on veut parce qu'on va avoir exactement le profil ou le spectre d'harmoniques qu'on recherchait. Donc, comme dans l'épisode dernier, tu nous parlais d'ondes sinusoïdales, tu peux la décomposer avec, mettons, des ondes carrées? Plutôt le contraire, c'est qu'une onde carrée, tu peux la décomposer en ondes sinusoïdales. Ou n'importe quelle onde, de n'importe quelle forme, si j'ai une onde en forme de girafe, je peux la décomposer en ondes sinusoïdales. Ça m'apprend juste suffisamment. Il faut que je sache dans quelle proportion. Et une fois que je sais quels sont les ratios de la fondamentale qu'il faut que j'applique et les niveaux qu'ils doivent avoir, je peux prendre mon synthétiseur additif, régler mes roulettes sur chacune de mes ondes sinusoïdales qui seraient des harmoniques, puis je les combine pour faire le son de l'onde en forme de girafe. C'est ça. Donc, ce n'est pas le cri de la girafe, d'ailleurs. Pour ceux qui se demandaient. Ah non? Non. Ou en tout cas, pas nécessairement. Ok, j'ai besoin d'une explication de ce que tu viens de dire. Quel est le cri de la girafe? Ouais. Pourquoi ce n'est pas le cri de la girafe? En fait, c'est que c'est une forme que j'ai choisie au hasard. Et le cri de la girafe, je ne le connais pas. Okay. Donc, les chances sont que ça ne sera pas le cri de la girafe. Mais si un expert en acoustique des mammifères africains pouvait me confirmer que c'est effectivement le cas, je serais très impressionné. Même qu'on pourrait poser la question, est-ce que les girafes crient? On pourrait. Je sais pas, as-tu déjà entendu une girafe crier? J'ai pas vu de girafes de mémoire. Je pense que je les ai vues quand j'avais 3 ans. C'est le problème de la mémoire. Mais t'aurais pu le voir, mettons, à découverte. Là. Oui, c'est vrai, je pense que j'en ai vu à découverte une fois. Ils font des sons, mais je me souviens pas exactement... J'aurais tendance à imaginer que c'est proche du chameau. Là. Ok. Mais je pensais qu'elle allait me dire quelque chose comme. Tu vois, c'est pas vraiment le son de la girafe parce qu'il nous manque des harmoniques dedans. Puis c'est en fait un simulacre du cri de la girafe. Mais. Ton explication est correcte. Hein? Tu sais pas c'est quoi, c'est au hasard. Ben, je suppose que si on met l'onde en forme de girafe suffisamment basse, et, avec le bon filtrage, ça pourrait ressembler. Donc, avec assez d'harmoniques, tu peux recréer un son fondamental. Oui, et bien, ça peut être un son compliqué même. Il faut juste que je sache exactement quelles harmoniques ça me prend. Mais là, en plus du problème économique, du matériel, des briques, tout ça, j'ai un problème conceptuel. Comment je fais pour connaître les spectres de ce que je veux faire et les reproduire sur mon synthétiseur additif avec mes houlettes? À l'ère de l'Internet, ça devient plus facile parce qu'il y a probablement des gens qui ont analysé des spectres de différents sons qui sont prêts à les fournir. Donc des bases de données. Oui. Et il y a probablement aussi des gens qui ont analysé des spectres de sons qui ne sont pas forcément existants ou que ça peut être le son d'une certaine chanson en particulier. Et là, je vais pouvoir faire de l'ingénierie inverse sur le son qui a été fait pour essayer de le reproduire avec mon synthétiseur additif. Mais à cette époque-là, on n'avait pas tout ça. Il fallait connaître exactement ce qu'on faisait ou inventer à partir de rien. Et c'est pourquoi ils sont apparus plus tard. Donc, mais quand on parle d'un synthétiseur additif, excusez-moi, est-ce qu'on peut parler aussi des justement des espèces, les premiers synthétiseurs à clavier, avec toutes les petites roulettes dessus? Oui. C'est ça ou c'est tu parles d'un ordi spécifiquement? Ben, je commençais avec le synthétiseur additif parce que ça transitionne bien du contenu qui sont les harmoniques, mais la première génération de synthétiseurs, c'est des synthétiseurs non pas additifs, mais soustractifs. Et c'est la première chose qui est apparue à cause des problèmes que je mentionnais. Quand je veux faire un synthétiseur soustractif, tout ce que j'ai à faire, c'est de créer une onde compliquée avec un fort contenu en harmonique ou une onde qu'on dirait riche. Il va souvent être grinçante, difficile à écouter. Et sur cette onde-là, je vais normalement appliquer un filtre pour couper les harmoniques que je trouve indésirables. Comment tu fais pour créer cette onde-là? Je vais utiliser un appareil électronique. Aujourd'hui, ce serait probablement des transistors. À l'époque, je ne me souviens pas exactement avec quoi on aurait fait ça, mais je pense qu'un groupe de résistance avec des condensateurs est capable de produire des influx électriques dans un circuit relativement simple et avec ça, faire des ondes carrées, des ondes triangulaires là, avec des voltages qui montent et qui descendent. Et comme l'électricité, ça se transmet rapidement, je suis capable de nécessairement vibrer à une fréquence qui me donne un son. Donc, c'est purement électrique. Oui. Là, tu peux calculer l'oscillation de ta charge électrique. Mm-hmm. Oui, je peux la causer, je peux la mesurer. Et puis, je peux l'entendre par la suite. C'est ça. Donc, faire vibrer quelque chose avec cette oscillation-là. Donc, ouais. Produire un son. Dans ce cas-ci, ça va être un haut-parleur. Le principe du haut-parleur, c'est une membrane fixée après, normalement, un aimant. Et l'aimant va être poussé et tiré selon le voltage qui est envoyé au haut-parleur. Et donc, plus de voltage implique plus de pression. Mais c'est pas exactement la position du haut-parleur qu'il faut voir dans le voltage. Fait qu'au sommet de mon onde sinusoïdale, c'est pas mon haut-parleur qui va être à son plus haut ou à son plus loin. C'est plutôt qu'il va être à son plus rapide avant de revenir, être retiré, redescendre, revenir à sa position initiale. OK. Et tout ça par moyen électrique. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec les circuits, produire une onde carrée, c'est relativement facile. Produire une onde sinusoïdale, je ne sais pas si ça t'apparaît plus difficile, mais... Juste préciser, quand tu dis que c'est la membrane du haut-parleur qui est comme plus rapide... Oui. Donc, plus elle est rapide, plus elle pousse, mettons, de l'air rapidement, donc ça fait de la pression. Oui. Plus il y a une accumulation de particules d'air à un point local qui va faire vraiment une haute pression à cet endroit-là. Et ça va être compris par l'oreille comme une forte amplitude. Ça veut dire que j'ai un gros boom de son. En supposant, par exemple, que je le fais seulement une fois, là, je vais entendre une espèce de coup. Et si je le fais de façon répétée, puis on va imaginer un petit peu moins fort aussi, là, ben, je vais produire un son régulier qui est écoutable. Et tout ça par les vagues de pression successives causées par la vitesse du haut-parleur. Faut pas oublier aussi qu'en se retirant, il va causer des vides qui font les ondes de dépression entre les ondes de haute pression. Souvent, mettons un haut-parleur, t'as plusieurs membranes qui vont vibrer toutes de manière un peu différente. De base, un haut-parleur contient une seule membrane, sauf que quand on a une enceinte de son, il va en avoir souvent plus qu'une. Et la raison, c'est que les plus grosses enceintes sont mieux conçues pour les plus basses fréquences, tandis que les plus petites vont avoir un meilleur son pour les plus hautes fréquences. OK. Ben, entre autres parce que peut-être la course à accomplir est moins grande, un plus petit haut-parleur est capable de le faire facilement, tandis que le gros haut-parleur va avoir certains problèmes. Puis la séparation aussi de ces différents sons-là est bénéfique pour l'écoute parce que en additionnant les pressions et tout ça, ma grosse membrane est en train de produire son mouvement. On va avoir de la difficulté à faire ses plus fines harmoniques ou à reproduire les plus fines harmoniques que j'ai envie qu'ils soient présentes dans le son. Ce qu'il faut imaginer, c'est que ces mouvements-là sont grands et lents. Et dans ces mouvements-là, grands et lents, je vais inclure des mouvements petits et rapides. Donc, ils vont un peu se perdre sur la grosse membrane. Tandis que si je les fais produire par la petite membrane, ils vont sortir clairement dans le médium qui est l'air. Et tout ça de façon purement électrique, analogique, avec des composantes qui ne coûtent pas cher. Si je veux faire une onde carrée, c'est relativement simple. Mais attends, mais juste pour dire, on parlait de le synthétiseur soustractif. Mm-hmm. Donc tu fais comme n'importe quelle onde. Tu peux choisir une onde au hasard, c'est une onde complexe. En principe, oui, mais c'est là où je voulais en venir avec l'onde carrée, c'est que okay. Ça, c'est facile à faire avec les composantes. J'ai besoin d'un condensateur qui accumule du courant pendant qu'aucun courant n'arrive. Ça fait mon plateau bas. Et tout à coup, il va relâcher ce courant-là à sa vitesse la plus folle, mais de façon soutenue. Donc, il va se vider. Il va se vider tout à coup, mais sur un certain temps, à la même vitesse. Puis ensuite de ça, il va se mettre à recharger. Là, j'ai fait une onde carrée, ça m'a coûté à peu près un composant. Il y a peut-être un résistor qui va aller là-dessus. Si j'ai besoin de faire une onde sinusoïdale, j'ai besoin d'une montée progressive, une redescente progressive avec différents taux. Ce que ça implique là-dedans, c'est que je vais probablement dépenser plus en composantes. Et puis, le but de la soustraction, c'était d'avoir une onde qui est riche en harmonique. Donc, ça me prend quelque chose qui graphigne. Qui contient beaucoup d'ondes sinusoïdales. Là, si je viens en faire une, il n'existe pratiquement pas d'harmonique dans cette onde sinusoïdale-là. C'est pour ça que les synthétiseurs soustractifs utilisaient des ondes comme la carrée, la triangulaire et la dentie, parce qu'ils sont faciles à faire avec des composantes qui ne coûtent pas cher et parce qu'ils sont très riches en harmonique. Ça serait pas intéressant d'utiliser des ondes qui sont trop proches de l'onde sinusoïdale. Parce que, à cause du manque d'harmonique, mon étendue de sons différents serait pas très large. Tandis que si je cause une onde qui est très chargée, mais je vais pouvoir en sélectionner plein parce que tout s'offre à moi, puis je peux couper un petit peu n'importe quelle. En réalité, les filtres qui s'offraient à nous au début n'étaient pas particulièrement précis, mais même aujourd'hui, c'est pas vraiment une chose d'aller couper des fréquences spécifiques. Habituellement, on utilise un filtre comme un high pass ou un low pass, et tout ça, ce que ça va faire, ça contient en soi une fréquence de coupure, puis pour le reste, ça va varier selon le filtre, mais ça peut couper net ou ça peut couper en utilisant une variation linéaire, fait que ça veut dire tout ce qui dépasse la coupure est de moins en moins fort jusqu'à un certain point. Ou ça pourrait être que tout ce qui dépasse la coupure descend de façon exponentielle, puis après ça, ça arrête de descendre. Il y a différentes méthodes, il y a différents filtres. Tu ne vas pas juste couper directement, tu peux couper non, c'est ça. De d'autres manières. J'ai le choix. Je peux couper directement, je peux ne pas couper directement. Mais peux choisir où je vais le faire. Okay. Mais juste pour revenir encore une fois, les synthétiseurs soustractifs, c'est ce qu'on aurait retrouvé dans un clavier. Oui, un orgue électronique, là, plus ancien si on veut, pas si ancien, mais l'idée c'est que ces appareils-là souvent n'étaient pas des synthétiseurs au sens où ils n'étaient pas très ajustables. Donc les sons qui étaient disponibles avaient été pré-réglés sur une espèce de carte mère rudimentaire avec des composants électroniques. Mais un vrai synthétiseur allait nécessairement utiliser des roulettes qui nous permettraient de changer le son. Et même souvent, c'est qu'un synthétiseur, c'est pas obligé de venir avec un clavier. Ça peut être seulement la boîte qui génère le son, et pour contrôler qu'est-ce qui sort de là, j'ai besoin d'un contrôleur. Aujourd'hui, ça va être souvent un contrôleur MIDI. Ça peut être un clavier qui, en soi, ne fait rien, qui est conçu pour être connecté à un synthétiseur qui, en soi, ne fait rien. Ça peut être comme une espèce de matrice là, des carrés là, que tu vois souvent. Là. Oui. Ben, c'est là le principe du synthétiseur modulaire. C'est que tous les composants du synthétiseur pourraient être séparés en chacun des petites boîtes qui ne peuvent pas travailler par elles-mêmes, mais que je vais les connecter avec des fils pour leur faire faire différentes tâches. Et puis, même sur un synthétiseur qui n'est pas forcément modulaire, avant les sélecteurs, là, je pouvais avoir peut-être sur mon synthétiseur, mon clavier, différents trous ou mettre des câbles pour relier les composantes, mais qui seraient quand même internes dans une boîte fermée, là, qui ne seraient pas forcément interchangeables. Je pense que ça fait le tour des synthétiseurs de base, mais il en existe aussi d'autres types auxquels je pourrais venir un petit peu plus tard. Ce qui est important de savoir pour vraiment commencer avec la synthèse, c'est qu'il y a en fait trois caractéristiques dans le son. La première, c'est le volume. C'est quand même assez facile à comprendre. On appelle aussi l'amplitude. Donc, c'est à quel point mon onde va monter haut et descendre bas. C'est à quel point la pression va être intense et la dépression va créer un gros vacuum, si on veut. C'est aussi à quel point le voltage va être élevé. Puis, il y a la hauteur du son. En réalité, c'est la fréquence. C'est le nombre de fois qui va se répéter, par exemple, par seconde. C'est la longueur ou la courteur de la période pendant laquelle ça va se faire. Donc, plus il est haut, donc plus il se répète souvent, plus il est aigu. Exactement. C'est ce qu'on veut dire par la hauteur du son. Et c'est pourquoi un son plus bas, on dit que son mouvement est plus lent. Quand je parlais du haut-parleur, son mouvement lent versus le mouvement rapide des hautes fréquences qui était pour se perdre. Donc, plus il est haut, plus il est aigu en termes d'octaves. C'est ça. Fait que fondamentalement, le do le plus haut sur le piano et le do le plus bas sur le piano, c'est des multiples. C'est la même note pour ce qui est de l'oreille. Il y en a un qui est un multiple qui va rouler beaucoup plus vite. Et ça va par nombre pair. Ça peut être x2, x4, x8. C'est aussi l'autre caractéristique qui est... Il reste la dernière qui s'appelle le timbre. Et ce dont on parle depuis le début, c'est essentiellement le timbre qui est, au fond, tout ce qui n'est pas le volume et la hauteur. Mais dans notre cas, c'est principalement les harmoniques. Ça va être aussi d'autres choses, comme l'évolution à travers le temps de ces paramètres-là. C'est tout ce qu'on a oublié. Donc, le timbre, c'est quelque chose d'un peu plus abstrait. C'est ouais. Pas quelque chose qui est facilement classifiable. C'est, comme tu disais tantôt, c'est la manière de souffler dans le... Oui, c'est ça. Dans la trompette. Le contrôle parfait du timbre, c'est un peu le Saint Graal, parce que notre compréhension du timbre est limitée, étant donné que ça regroupe tout ce qu'on n'a pas mis avant. Mm-hmm. C'est limité d'une manière physique, mais on peut le recater d'une manière... C'est limité d'une manière... comment est-ce qu'on peut comprendre exactement le contenu harmonique d'une chose? C'est que c'est facile à comprendre, mais c'est difficile à construire, peut-être. Ouais, c'est difficile à construire, mais c'est facile à comprendre parce qu'on l'entend. Oui, c'est ça. On différencie facilement deux instruments. En fait, on différencie plus facilement deux instruments qu'on différencie des notes. Des très petites variations dans le contenu des harmoniques vont être perçues, mais des très petites variations dans la hauteur, ça peut facilement se perdre. Donc, avec ces trois caractéristiques-là, n'importe quel synthétiseur devrait être capable de travailler sur ces trois choses-là. Si c'est incapable de le faire, c'est que c'est pas vraiment un synthétiseur. Le synthétiseur comporte ses sept composantes principales. Il y en a qui vont en avoir moins parce qu'ils ont choisi d'offrir moins d'options. Il y en a qui vont en avoir plus. Mais essentiellement, c'est ces sept composantes-là qui sont oscillateur, amplificateur, filtre, les trois générateurs d'enveloppe qui sont enveloppe de volume, enveloppe de filtre et enveloppe de hauteur, et le LFO. Bon, là, je vous envoie la liste, qu'on sache de quoi on parle, mais je vais parler de chacun plus en détail. Les oscillateurs, on peut appeler ça des « tone generators ». Un générateur de tonalité? Oui. L'oscillateur, c'est celui qui donne ma fondamentale et qui me donne une onde avec une forme. En anglais, on dit des waveforms. L'onde carrée ou l'onde pulse, c'est un waveform, une forme d'onde. L'onde triangulaire, c'est une forme d'onde. Et celle en dentier aussi. Donc, l'oscillateur, c'est ce qui génère le son de manière électrique. C'est ça. Ça s'appelle l'oscillation, donc le mouvement. Là, ici, c'est le mouvement électrique, là, mais pour être le mouvement mécanique dans un son normal, c'est oui. L'oscillateur qui le produit. C'est ça. Et lui, bon, à la fin de tout, son impulsion initiale va être transformée puis transmise au haut-parleur. C'est la note qu'on va entendre. Normalement, il y a un ajustement à faire sur un oscillateur, c'est la vitesse. Donc, plus l'oscillateur va vite, plus le son va être aigu. Mais normalement, un oscillateur avec bien des fonctions va avoir aussi un autre bouton important qui est celui pour changer la sorte d'onde. Fait que je ne m'attendrais pas qu'un oscillateur soit seulement capable de faire des ondes carrées. Il faudrait qu'il me propose au moins des ondes carrées à largeur variable, ou qui me propose de faire des sinus, des triangles, des dentiers, et que je puisse le choisir. Il y en a même qui permettent d'en sélectionner plusieurs en même temps, puis il va les combiner pour moi. Donc ça, c'est vraiment la base du son. Si j'ai ça, je suis capable d'entendre quelque chose. Pour vraiment l'entendre, j'ai besoin de mon amplificateur. Ça, c'est le deuxième composant. L'amplificateur, au fond, il va juste gérer mon volume. Je vais amplifier mon oscillateur avant de l'envoyer au reste des composantes. Le volume, c'est... c'est quoi le volume? Dans ce cas-ci, le volume, c'est mon amplitude. C'est la quantité de voltage. La différence entre le plus haut et le plus bas point dans mon voltage. Et rendu au haut-parleur, ben, ça va être la différence de pression. Donc la vitesse à laquelle le haut-parleur va vibrer? Oui, pour le haut-parleur, ça va être sa vitesse. Mais c'est sûr que c'est pas comme la vitesse de l'oscillateur. Un haut-parleur qui vibre plus... Non, c'est la vitesse à laquelle il va se rendre à son point le plus c'est haut. C'est ça. C'est pas qu'il vibre plus vite, c'est qu'il y aurait une plus grande vélocité. Ouais, c'est ça. Disons qu'il y aurait une grande distance à parcourir. Donc pour lui, sa répétition 20 fois par seconde serait très longue. Il serait obligé d'aller très vite pour le faire. Ça, admettons que, juste pour être sûr que je comprenne bien, on a une note... Okay. Cette note-là, c'est une fréquence particulière, donc elle oscille dans un rythme très précis. Oui. On va dire 15 000 Hz. Whatever. Je sais pas c'est quoi 15 000 Hz. Ah, j'aimerais mieux 440. Ouais, c'est le la classique. Oui, 440, la classique. Donc, maintenant que je fais un. Ben, c'est pas mais le tu la. Tu peux dire 400 si tu veux. Mais, j'ai vu une vidéo sur YouTube sur le la. Là, 440, c'est le la classique qui a été décidé genre, au début des années 1900. C'est pas le la classique comme tel. Ah oui, ok. Mais oui, on va dire 440, ok? Donc, je produis avec mon haut-parleur 440 Hz. Donc, le haut-parleur bouge 440 fois par seconde. C'est ça, il fait sa course complète, peu importe qu'est-ce qu'elle implique. Ça peut être de monter en plateau, de descendre, mais après ça, ça se répète. Okay. Fait que c'est ça, il fait 440 mouvements par seconde. Oui. Si je veux qu'il soit plus fort... Donc, que la même note soit entendue de manière plus forte, j'augmente le volume, et ces 440 mouvements-là, le temps entre le haut-parleur est statique, et statique, c'est drôle de parler de son et de dire ce mot-là. On va mélanger tout le monde, là. Le temps que ça prend pour que le haut-parleur aille de l'avant, il va être plus rapide, mais il va quand même le faire 440 fois par seconde. Ouais, ben là, le problème que tu soulèves, c'est que tu veux que ton haut-parleur aille plus vite. Fait que ça veut dire qu'avant, il y avait des temps d'attente, pas tout à fait. Pour qu'il puisse aller plus vite, il faut qu'il bouge plus loin. Pour faire le même nombre de répétitions à plus grande vitesse, il doit aller plus loin. Donc, j'applique plus de voltage à mon électro-aimant, ça le pousse plus loin. Et ça fait que ça va aussi plus vite, donc plus de pression dans l'air. Donc c'est ça. 440 fois par seconde, mais avec plus de distance. Oui. Et sur un graphique à l'ordinateur, on va voir que le pic, la montagne de l'onde va aller plus loin qu'une onde qui est moins forte. Mmh. Son amplitude va être plus loin de zéro. Puis ça, c'est pour l'amplificateur. Ensuite, on a besoin d'au moins un filtre. Et ça, dans le fond, ça va nous aider à gérer le contenu en harmonique. J'utilise mon onde carrée préférée, je vais couper certaines harmoniques. Ça va être la plupart du temps, c'est un low-pass filter qui est utilisé. Donc, je vais laisser passer les basses fréquences pour mieux entendre la fondamentale. Parce que les plus hautes fréquences contiennent normalement des multiples. Donc, c'est des ondes qui vont plus vite, donc plus aiguës. Fait que si je les coupe, je viens vraiment de couper les harmoniques les plus loin. Et je viens de faire un son un petit peu plus pur. Donc ça, un filtre, ça filtre, en fait, les fréquences. Oui. Mais comment ça fonctionne de manière... D'un point de vue électrique, ma compréhension est limitée, mais en gros, il faut qu'il y ait une résistance à bouger. Le courant passe d'un voltage élevé à un voltage moins élevé. Il peut passer du négatif au positif sur un certain temps. Ben, ça me prend une composante de mon circuit qui va avoir une inertie puis une difficulté à le faire au-delà d'une certaine vitesse. Fait qu'électriquement, je suis pas certain quelle composante ou combinaison de composantes je dois utiliser pour ça, mais nécessairement, c'était facilement ajustable parce que je pouvais sélectionner la fréquence où ça commence et puis si ça se faisait sur une pente ou si ça se faisait très très vite. Tout ce que j'ai à avoir dans mon circuit, c'est quelque chose qui empêche peut-être le bruit ou qui résiste justement aux changements brusques de voltage, mais qui permet des changements de voltage qui sont plus... Mais pour dire ça de manière simple, un filtre, tu vas décider du voltage de départ et du voltage de fin de ton truc. Pas tout à fait. Je vais décider du taux de changement du voltage. À quel point il peut monter et descendre vite. Parce que des fréquences qui sont élevées demandent de passer de 1 à 0 plusieurs fois par seconde. Mais si j'ai une composante de mon circuit qui n'est pas capable de changer autant de fois par seconde, ben tout ce signal-là va être perdu. C'est ce que je veux. Je veux que ma composante électronique change de voltage seulement quand c'est suffisamment progressif. Et je le sélectionne avec mon filtre. Et là, ce que ça fait, c'est que si c'est imaginable avec la bouche, le son I contient beaucoup plus d'harmoniques élevées que le son O. Donc, si j'ai mon filtre entre les mains que je joue avec, je peux facilement passer d'un son qui ressemble plus au I à un son qui ressemble plus au O en passant par un A ou un E. Et tout ça, ben éventuellement, si j'ai beaucoup beaucoup de talent, je peux faire des formantes puis je peux faire parler mon synthétiseur en ajustant mes filtres correctement. Juste en jouant avec le profil d'harmonique à travers le temps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les trois composantes que je viens de mentionner sont en fait reliées directement aux trois caractéristiques du son. L'oscillateur, ça va me donner la hauteur de mon son. L'amplificateur va me donner le volume. Et le filtre va me donner mon timbre. Donc, juste avec ça, j'ai quelque chose de potentiellement compétent. Sauf qu'il y a quelques ingrédients qui vont manquer. Entre autres, les enveloppes. Qu'est-ce que c'est une enveloppe? C'est vraiment la partie qui nous manquait depuis le début, c'est de gérer à travers le temps. Ces enveloppes-là, normalement, il y a trois enveloppes parce qu'il y a trois paramètres, puis il y a trois composantes reliées. Normalement, il y avait quatre boutons là-dessus, ou quatre roulettes. C'est que c'est une combinaison de niveaux et de taux. Quand je veux produire un son, au départ, il n'y a pas de son. On peut dire qu'on est à zéro. Disons, l'exemple du volume, c'est le plus facile à comprendre. Donc, au début, le volume est à zéro. Quand je commence à produire mon son, je vais progressivement m'en aller vers un maximum. Donc, je pars de zéro et je commence à parler. Peut-être que j'ai une progression. Peut-être que je parle doucement puis je m'en vais vers le volume maximal. Ou peut-être que directement en commençant, je crie tout de suite puis je suis déjà au maximum. Sur ces systèmes-là, les quatre roulettes sont les ADSR. La première, A pour attaque. Ça me dit en combien de temps je vais me rendre à mon niveau maximal. Donc ça, c'est un taux que je peux ajuster. Occasionnellement, ça peut être une durée. Donc si je mets mon attaque à 0, je vais prendre 0 secondes pour me rendre à mon volume maximal. Ensuite, le D, c'est pour le délai. Et ce délai-là réfère à combien de temps ça va me prendre pour arriver à mon autre niveau. Donc, j'ai un niveau qui est celui initial. J'ai un niveau qui est le niveau maximum et que je vais rejoindre par mon attaque. J'ai un autre niveau après ça et je vais l'atteindre selon le temps que j'ai spécifié dans mon délai. La troisième roulette dans ADSR, c'est Sustain. C'est le niveau de soutien. Donc, cette roulette-là ne contrôle pas un taux, comme les deux premières. Elle contrôle un volume. Elle va me dire, après que j'ai fait mon attaque, je recommence à descendre, je peux m'arrêter sur un certain volume. Ben, je vais le sélectionner avec cette roulette-là. Si je sélectionne 0, mon son va monter au maximum et va descendre à la vitesse du délai. Si j'ai spécifié un volume un petit peu plus haut, je fais une attaque, je redescends à la vitesse du délai jusqu'à mon volume de soutien. Ce volume de soutien-là a une durée qui peut être paramétrée de différentes façons. Mais normalement, ça va être avec la quatrième roulette qui s'appelle le release ou le relâchement. Et ça aussi, c'est un taux. Ça va dire combien de temps avant que je retourne à zéro. Donc, ça, c'est des roulettes que tu retrouves souvent, mettons, sur une pédale de distorsion pour une guitare. Oui. Ça va se retrouver sur un paquet d'appareils. Un amplificateur aussi, ton amplificateur de guitare. Ben, je suis pas certain si les amplificateurs les plus de base vont comporter ces paramètres-là. Oui, j'en ai vu avec. Là. Mais c'est possible de ne pas l'avoir, sauf que quand tu vas appliquer des effets puis un filtre, ça va être beaucoup plus intéressant si ton filtre n'est pas appliqué à plein, du début à la fin ou en permanence. Surtout si, par exemple, tu as un écho. Tu veux qu'il y ait un écho, mais là, tu allumes ton écho, il commence à s'appliquer sur le bruit. Avant même que tu aies joué une note, là tu joues une note, puis l'écho reste pour toujours. Donc nécessairement, ça te prend une espèce d'attaque, puis un taux de réduction de cette attaque-là. Fait que ça ne s'applique pas juste au volume. Je peux avoir mon enveloppe de volume, je peux avoir mon enveloppe de filtre, et en contrôlant bien une enveloppe de filtre, c'est entre autres comme ça qu'on obtient des formantes. Fait que je peux partir avec un son en haut, je peux demander à mon filtre de s'appliquer jusqu'à ce que j'entende le son en A et redescendre pour faire un effet comme « wow » sur mon son. Genre une pédale de wah-wah. La pédale de wah-wah est un petit peu différente. OK, ben c'est... Mais c'est juste similaire. Ouais, on peut imaginer que c'est un effet similaire. Au niveau de la hauteur, je peux aussi appliquer quelque chose. C'est normalement moins intéressant. Sauf si je veux générer des effets spéciaux, mais je peux aussi contrôler la hauteur de mon son avec une enveloppe. C'est juste que ça s'applique mal à un instrument en général. Si je joue du trombone, je vais tenir ma note et je peux glisser d'une note à l'autre en utilisant ma coulisse. C'est quelque chose qui serait faisable avec une enveloppe de hauteur, mais il faudrait que je puisse la gérer constamment en temps réel. Les enveloppes, telles qu'on les comprend sur les vieux synthétiseurs, vont s'appliquer quand tu vas appuyer sur la touche. Ils vont se dérouler, puis peut-être tu peux lâcher la touche avant, puis il va y avoir quelque chose de spécifique qui va se produire. Peut-être que ton enveloppe est finie au moment où tu enlèves ton doigt. C'est comme si c'est des paramètres fixes. Ouais, c'est ça. Donc, quand tu spécifies ton enveloppe, tu ne peux pas la changer pour chaque note. En tout cas, en principe. Quoi qu'il y a probablement des appareils qui offraient certaines possibilités, par exemple en tenant des pédales. Différents, si j'ai 5 pédales en dessous, ben peut-être que j'ai accès à 5 différentes sortes d'enveloppes que je peux avoir spécifiées pour tous mes paramètres. Mais ma hauteur, c'est très rare que je veux qu'elle varie pendant que mon son joue. Parce que, à moins que je fasse une enveloppe qui monte et qui descend et qui se répète, mais pour ça, il y a un autre appareil. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec une enveloppe qui gère la hauteur? Ce serait un son de percussion, peut-être avec un synthétiseur. Parce que quand on frappe sur un tambour, au départ, on fait sortir les sons les plus aigus. Puis à mesure que la peau se détend, elle va vibrer de moins en moins vite jusqu'à arriver au repos. Puis là, elle va produire des sons un petit peu plus graves. Donc, si je veux imiter le son d'un tom ou d'un conga, je vais peut-être utiliser mon onde carré ou une onde triangle, puis à toutes les fois que je vais appuyer sur ma touche, je vais lui demander de commencer très haut et de descendre très bas, puis ça va être ça son enveloppe. Fait que c'est une façon d'utiliser l'enveloppe de hauteur. Sinon, ben, je peux faire des up and down, comme on dit, mais pour ça, il y a la septième composante qui s'appelle le LFO. Une minute. Juste revenir pour être sûr que j'ai bien compris les générateurs d'enveloppe. Chaque enveloppe a trois composantes, tout ça? Ben, en fait, c'est qu'il y a trois enveloppes. Il y aurait une enveloppe par composant du synthétiseur. Il y a une enveloppe pour l'oscillateur, qui est l'enveloppe de hauteur. Il y a une enveloppe pour l'amplificateur, qui est l'enveloppe de volume. Puis il y a une enveloppe pour le filtre, qui est l'enveloppe de filtre. OK. Parce qu'on ne les a pas nommés exactement, je pense, dans cet ordre-là. Fait que ça fait comme si... Oui, OK. Ben, en fait, je les ai présentés en ordre d'importance. Ah, OK. C'est ce qui peut être mélangé un petit peu, mais les trois paramètres du son, on comprend d'abord le volume, puis la hauteur et finalement le timbre, mais au niveau des composantes du synthétiseur, ce qui est plus important d'abord, c'est l'oscillateur, puis ensuite de ça, on s'intéresse, ah oui, c'est vrai, il y a un volume, puis le timbre, toujours en dernier. Mais quand on parle des enveloppes, on pense toujours à l'enveloppe de volume en premier. S'il y a une seule enveloppe disponible sur un appareil, ça va toujours être l'enveloppe de volume. À moins que l'appareil en question n'ait qu'un filtre, il va avoir son enveloppe de filtre. Et puis, ben, celle-là, c'est la deuxième plus importante. Mais même là, je pense à mettons des pédales de guitare, puis il y a toujours comme un volume dessus pour moduler l'effet. C'est ça. Ouais. Ben, dans ce cas-ci, ton volume va être fixe sur ton effet. Tu vas pouvoir générer une enveloppe de filtre en utilisant tes autres contrôles dessus. Ben, si c'est vraiment une pédale de guitare, c'est possible que sa sortie, si tu gères si tu fais une enveloppe de volume dessus ou une enveloppe de filtre, c'est plus ou moins la même chose, selon comment elle fonctionne en elle-même, là. Parce que ça va être juste une combinaison de signaux électriques à travers un fil. Donc, ça revient plus ou moins au même, t'es en train de faire varier des voltages. Okay, okay. Puis le LFO? Le LFO, c'est un oscillateur à basse fréquence. Je pense pas qu'il y a vraiment de terme français pour ça. Je pense que LFO, c'est confortable. C'est le Low Frequency Oscillator. Et ça sert à quoi? Ça sert à faire des effets spéciaux. Je peux brancher un LFO sur à peu près n'importe quoi. Ben, en tout cas, si mon synthétiseur me le permet. Notamment, je voudrais le brancher sur mon amplificateur. Parce que le LFO, je disais que c'est un oscillateur à basse fréquence, mais ça veut dire que ça vibre à des fréquences qui ne sont pas entendues par l'oreille humaine comme un son. Ça va vibrer à une vitesse qui va être entendue peut-être comme un mouvement. Et si je le mets sur mon amplificateur, ça veut dire que ça va être comme si c'était moi qui tiens ma roulette d'amplificateur, qui la met au maximum, au minimum, maximum, minimum, et ça plusieurs fois par seconde, mais pas suffisamment vite que quelqu'un va entendre un son comme si j'étais une drill, par exemple. Justement, dans une perceuse, c'est le nombre de fois par seconde qu'elle va tourner qui fait qu'on entend un son. Si je la fais tourner très lentement comme un vieux moteur, on entend pop, pop, pop, pop, pop. Ben, c'est plus ou moins ça la vitesse d'un LFO. Je vais gérer mon volume pour faire quoi? Faire un trémolo. Je peux aussi mettre mon LFO sur la hauteur du son pour faire un vibrato. Là, je vais osciller entre un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Mais dans ces cas-là, c'est nécessaire de ne pas le mettre trop fort. Parce que personne qui fait ça. C'est pas très plaisant d'aller de très aigu à très grave. À moins que je veux faire un effet spécial d'extraterrestre ou quelque chose comme ça. Je peux aussi le brancher sur mon enveloppe de filtre. Fait que si j'ai un effet de style wah-wah, je vais pouvoir le faire se répéter à l'infini comme ça. Puis Je suppose que c'est possible d'avoir une enveloppe aussi pour le LFO, pour demander au LFO de partir à 100% puis ensuite réduire. Probablement aussi que je peux avoir plusieurs LFO qui vont être branchés à plusieurs signaux. Et puis, ultimement, le LFO, comme c'est un oscillateur, il peut aussi avoir plusieurs formes d'ondes. Donc, je peux lui demander de faire une gradation en ondes triangle. Je peux lui demander de faire une gradation, pas de gradation en fait, on-off, sous le principe de l'onde carrée. Mais souvent, il y a toutes sortes d'options qui s'offrent à moi. Là. L'onde sinusoïdale est particulièrement intéressante pour faire des sons qui vont avoir un certain naturel. Parce que ben, c'est élégant. Tandis que l'onde carrée, ça va sonner un peu étrange. Un peu comme si je le mets sur le volume, ça va être comme si je parle à travers un ventilateur. Parce que la vitesse n'est pas entendue comme un son, mais comme des coups de marteau, quelque chose comme ça. Le LFO peut comme simuler l'espèce de scintillement d'un son? Oui. C'est une bonne façon de le voir. Scintillement, ou ça peut. Je peux le mettre très très lent, puis avoir une espèce d'effet spatial. Là. Je peux lui donner une fréquence vraiment vraiment basse, puis je vais avoir une impression de progression et de disparition de mon filtre. Là, comme si, par exemple, j'étais dans un endroit en particulier, mais que j'étais en mouvement, que les choses autour de moi se déplaçaient. Mais tu l'as dit tantôt, le mot vibrato, l'info va peu. À la base, ça va être utilisé pour simuler quand tu joues une guitare, tu fais une note, là, tu fais comme un. Tu bouges ton doigt dessus. Oui, c'est ça. Tu étires la corde plusieurs fois là, d'une façon répétée. Ben, le LFO, à la base, fait ça. Oui. Okay. C'est une sorte d'oscillation. Ben, en réalité, quand on y pense, la musique, c'est que des oscillations et des périodes. Si je prends la structure globale de la musique, je pourrais avoir un refrain, couplet, plus ou moins. Fait qu'il y a une espèce de période à ça. Et au sein de ces arrangements-là, ben, je pourrais avoir des riffs qui sont répétés aussi, qui sont plus petits. Et à travers les riffs, ben, je peux avoir des phrases qui se ressemblent, qui se répètent. Et là, mes notes vont avoir des hauteurs, mais qui vont avoir des effets dessus. Ah oui, on rentre dans la philosophie de la musique. Là. Ben, c'est des oscillations sur des périodes. Là. C'est juste que la durée d'une pièce musicale au complet ne s'entend pas comme un son. Ça s'entend comme une panoplie de sons. Fait que pour la plupart de nos appareils, ça va être ces 7 composantes-là. Et on va appliquer de la synthèse soustractive en partant avec des ondes riches puis en les filtrant. Y a les synthétiseurs additifs. Mais il y a aussi quelque chose qui a le caractère du synthétiseur additif, mais qui n'en est pas vraiment un. C'est un synthétiseur à modulation de fréquence. C'est Juste te couper avant, juste pour être sûr, les synthétiseurs additifs, ça n'a pas de l'arrêt commun? Pas vraiment. Sauf que il y a une recrudescence des synthétiseurs dits analogiques, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas forcément d'ordinateur, ils sont juste avec des composantes électriques. C'est des circuits. C'est ça. À cause de leur particularité, il y en a même qui vont venir avec des lampes. Certains, occasionnellement, ça va être des lampes d'origine qui se fabriquent plus aujourd'hui et qui sont super dispendieux. Qu'est-ce que ça fait une lampe? Une lampe, en réalité, c'est une triode, ça remplace un transistor. La triode, il y a un courant qui passe de gauche à droite, disons, puis pour se transmettre, je vais avoir une espèce de grille, si je ne me trompe pas, qui peut être chargée ou non. Et selon à quel point je vais charger la grille, le courant va passer ou non à travers la triode. Donc, je ne me souviens pas comment faire du son avec ça. Ok, mais c'est comme un genre de... Tu viens par rapport avec un filtre, mettons, une lampe? Ben oui, la lampe peut être utilisée sur un filtre, mais normalement c'est une technologie utilisée pour les amplificateurs. Ouais. Ça sert à avoir un gain de son, mais ça donne une certaine granularité au son que tu peux pas avoir autrement. Ça donne un gain? Un grain, je disais. Mais ça donne aussi un gain. Ok, non, c'est ça, mais tu dis un gain, donc ça amplifie le son? La triode, tu peux l'utiliser pour faire ça. Okay. Je ne connais pas le processus pour y arriver, mais... Ok. Non, mais j'ai posé une question. Ça a l'air que c'est un deep dive. Plus que je fais. posais. Ben, t'es chanceux que je me sois intéressé au principe de la triode, là, parce que les lampes, la plupart des gens savent c'est quoi, ils savent que les anciens amplificateurs étaient faits avec ça, mais... Ouais, ben mon frère achetait un amplificateur avec des lampes dedans, justement, et il me disait « Ah oui, il a fallu que je nettoie comme le socket de la lampe et tout. » Et il me disait « Ah, ok, cool. » Là, je me posais la question, t'sais, j'ai pas posé à mon frère, mais c'est comme « À quoi ça sert une lampe? » Tu le vois dans les vieux... des vieilles constructions électriques, là, des vieilles radios. Mm-hmm. Tu sais, des espèces de grosses lampes, là, de 1 décimètre de haut. Ben, c'est ça. Je pense que c'est avant l'invention du transistor. Le transistor fait le même travail, mais dans un espace ultra compact comparé à la triode. Donc, une recrudescence de synthétiseurs dits additifs, analogiques. D'un certain point de vue, mais aussi des synthétiseurs additifs. OK. Parce que, ben aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des gens qui sont prêts à payer des sommes de fous, mais il y a aussi eu des avancées dans la réduction de coûts sur toutes sortes de composants. On est capable probablement d'avoir un paquet d'oscillateurs. Le plus simple, si je veux un synthétiseur additif, c'est de le faire dans un ordinateur, puis de demander à mon ordinateur de tout additionner ça d'avance pour moi. J'ai pas besoin d'avoir les composantes électriques. Fait que le soft synth qu'on appelle, qui est le synthétiseur qui existe virtuellement, me permet d'avoir autant d'oscillateurs que ça me tente, puis de les combiner. Mais malgré ça, c'est quand même pas facile à utiliser. Il faut savoir exactement ce qu'on a envie d'avoir comme profil avant de commencer. Sinon, ça se gosse, comme on dit, mais c'est pas particulièrement facile. T'as plus d'options qu'un... T'as plus d'options de fine pointe qu'un synthétiseur soustractif. Ouais, je pense que a priori, si tu réussis à appliquer des enveloppes spécifiques ou des timings spécifiques à chacun de tes oscillateurs, ben nécessairement tu peux faire n'importe quoi. Mais rendu là, tu dis je pourrais aussi prendre un logiciel comme Audacity puis dessiner des ondes à main levée. Là. Il y a quelque chose à faire, ça serait une manière de synthétiser du son. Aujourd'hui, tu peux dessiner des sons. Puis, ben, ça fait quand même assez longtemps, même dans les années... aussi loin que les années 90, mais potentiellement avant, c'était possible de dessiner des formes d'ondes puis de demander à un synthétiseur de les jouer. Donc, c'est ça, additif, ça se fait. Et puis, même si les soustractifs étaient plus populaires, aujourd'hui, ben, les gens essayent un petit peu de tout. Mais c'est juste, j'en ai vu un synthétiseur récemment, dans une boîte, là, c'est un synthétiseur modulaire que le gars me montrait. J'imagine que c'est à la base soustractif parce qu'il produit son son, après ça, il vient le changer. Oui, c'est ça. Mais au fond, le principe est un peu le même. C'est qu'au lieu de partir avec plein d'harmoniques puis en enlever, ben tu rajoutes les harmoniques une après l'autre. Ça va être plus difficile de savoir le résultat final en additionnant plein d'harmoniques. Tu sais pas combien ça va t'en prendre, tu sais pas dans quelle proportion. Fait que d'arriver puis gosser, c'est quand même difficile. C'est plus long. C'est pas comme prendre un château, changer les pièces de place puis dire « ça c'est la maison que je veux ». Quand tu as juste une pile de roches pour faire ton château, tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec. Il faut que quelqu'un te donne un plan. C'est ça. Puis là, il faut aller chercher les permis à la ville. Puis tout ça. Oui, c'est ça. Puis là, il y a les taxes. Les contracteurs. Puis tout. Ben, c'est bon. Ça répond vaguement un peu à la question que je posais. Avant que je t'interrompe, tu allais parler des modulations de fréquence. Oui, des synthétiseurs dits FM. Comme la radio. Ben oui, mais je sais pas jusqu'à quel point FM se transmet dans la radio comparativement à ce qui se fait dans le synthétiseur. C'est quoi la différence? C'est quoi la particularité des fréquences d'IFM dans les synthétiseurs? Ben, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose qui s'approche du synthétiseur additif, mais en éliminant la difficulté et en réduisant de beaucoup, beaucoup les coûts. Et puis, quand ça sort, les gens sont impressionnés par la clarté du son digital que tu peux faire avec ça. Numérique. Oui, numérique. Non, ils sont impressionnés par les claquements de doigts. C'est des vrais doigts, après les synthétiseurs. Les gens sont impressionnés. Ça sort d'une, d'une thèse, je pense, universitaire, qui expliquait comment on pouvait moduler une onde sinusoïdale pour en produire une autre par modulation. La modulation dans ce contexte-là, c'est essentiellement une multiplication. Parce que ce que tu veux faire, c'est de prendre un véhicule et lui mettre une modification dessus qui est une autre onde sinusoïdale. Et sauf que tu vas pas juste additionner son volume, tu vas littéralement changer sa fréquence. Un peu comme le LFO, je pouvais faire monter la fréquence et la faire descendre, ben, je vais faire ça aussi, sauf que je vais le faire à la vitesse d'un autre son. Et on a remarqué qu'en faisant ça avec différentes électroniques, on sortait des harmoniques qu'on n'avait pas forcément prévues. Et on en sortait une gamme assez diverse qu'en jouant avec juste deux roulettes, on était capable de faire des sons assez exceptionnels. Les premiers à avoir repris ça, je pense que le papier est sorti, puis Yamaha a acheté la technologie, puis c'est les premiers qui ont sorti les synthétiseurs à FM. D'ailleurs, ceux qui veulent une idée du son que ça peut donner pour les anciens, mais pas trop, Sega Genesis fonctionnait avec ça. Un petit peu plus anciennement encore, on a essayé de développer une carte à l'Université Laval, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Adlib. Donc ça, c'est à l'époque du son 16 bits. On voulait sortir la carte Adlib qui était capable de faire du FM. Et à un moment donné, ben, y a quelqu'un qui a plus ou moins repris le concept parce que ben, tout le monde pouvait en faire. Et les gens qui ont fait ça s'appellent Sound Blaster. Donc quand on sortit la Sound Blaster 16, tout ce qu'ils ont ajouté sur la technologie présente sur la carte Adlib, c'était de pouvoir lire les CD et les échantillons. Je m'en souviens, Sound Blaster Adlib. Fait que, dans le fond, ils ont peu après, je pense que l'Université Laval, on essayait de sortir la Adlib Gold, qui faisait plus ou moins la même chose que la Sound Blaster 16, mais il était beaucoup trop tard. Les Sound Blaster étaient partout. Les développeurs de jeux voulaient soutenir la Sound Blaster. Fait qu'il y avait, celle-là, puis celle du Sega Genesis. Là, c'est celle que je me souviens, là, juste comme ça. Et ça fonctionnait sur un synthétiseur FM. Le son là, spécifique de la Sound Blaster 16, ça sortait de ça. Donc c'est moins dispendieux parce que t'as juste deux choses à faire varier? Oui, ben dans les fêtes, ils en mettaient plus que ça parce qu'ils étaient capables de le faire à tellement moindre coût qu'ils pouvaient faire des trucs super complexes. Ce qu'il y a de beau dans le FM, c'est que tu peux donner, disons, 8 opérateurs. Un opérateur, dans le fond, c'est un oscillateur qui vient avec toutes ses enveloppes, toutes ces choses, comme un petit mini synthétiseur séparé. Tu peux mettre 8 opérateurs, puis ensuite de ça, tu vas les combiner selon un certain schéma. Donc, tu vas dire opérateur 1 modifie opérateur 2, puis opérateur 3 modifie le 4, et tout ça est combiné ensemble pour faire le master. Puis les autres, ben on les utilise pas. Ou j'en utilise un, je le ralentis beaucoup, puis je fais un LFO avec. Juste avec ce petit schéma-là, je peux le reproduire des deux côtés. Je peux prendre le numéro 6 qui revient sur lui-même avant de modifier le 4 et le 3. Je peux faire absolument n'importe quoi. Donc, si à un moment donné... Ça passe pas nécessairement du 1 au 8, absolument, ça peut aller du 8 au 1. Ben, normalement, ils ont chacun une sortie, donc je peux sortir tous ces oscillateurs-là indépendamment. Je peux faire un accord avec, si je veux. Un accord à 8 notes, potentiellement. Mais ça va être juste des ondes sinusoïdales. Ça va être comme un piano qui joue des sinus. Ce que je voudrais, en réalité, si je fais de la synthèse, c'est utiliser toutes les opérateurs pour faire un seul son super riche qui contient exactement ce que je cherchais. Et ça, en les branchant selon différents schémas. Tous les schémas n'étaient pas forcément disponibles sur tous les synthétiseurs parce que ben, il n'y en a pas une infinité, là, mais il y a un nombre comptable assez important de manières de brancher 8 choses ensemble. Surtout s'ils ont le droit de référer à eux-mêmes et qu'ils n'ont pas juste une sortie. Donc là, il fallait aller avec ce que le fabricant avait prévu. Je sais que le Sega Genesis a 4 opérateurs et il y a au moins 4 façons de les connecter ensemble. On peut les connecter en série ou en parallèle, entre autres, pour imaginer des façons. Le 1 dans le 2, dans le 3, dans le 4. Puis ils vont chacun se moduler. Puis là, ça nous donne des possibilités infinies, mais c'est un petit peu difficile à comprendre sans l'avoir devant nous. Et même en l'ayant devant nous, de savoir ce que ça va faire quand je vais connecter ces deux choses-là ensemble, c'est pas évident. Ça reste moins compliqué que la synthèse additive parce qu'en touchant une roulette, je peux vérifier qu'est-ce que ça fait. Et je peux vérifier en fonction d'une autre roulette en utilisant mes deux mains. C'est très intuitif comparé à essayer d'additionner les harmoniques. Mais dans le fond, je suis en train juste de multiplier des ondes ensemble. Ça fait cette espèce de son, je ne veux pas dire grinçant, mais que certaines personnes n'aiment pas et que d'autres adorent. Comme quand on parle du Sega Genesis versus le Super Nintendo. Le Super Nintendo, il n'y avait pas de synthétiseur là-dedans. Ce qui est la sorte de synthétiseur dont je n'ai pas parlé encore, c'est ceux qui utilisent des échantillons. Il y a eu un moment qui s'appelle la révolution digitale en anglais où on a commencé à pouvoir juste reproduire à volonté des sons préenregistrés. Donc ça donnait absolument rien d'utiliser un synthétiseur pour faire le son d'un orchestre sur un clavier quand je pouvais enregistrer un orchestre puis le jouer avec une seule touche. Cependant, ça fait un temps, mais on a aussi pensé à ce qui se passerait si j'utilisais le son de l'orchestre, mais que j'additionnais un oscillateur, puis je mettais des filtres dedans. Et là, ben, dans le fond, je peux avoir un synthétiseur mix qui, je sais pas moi, tous ces oscillateurs fonctionnent de façon soustractive, mais je peux aussi les mettre en sinusoïdale pour les additionner, et je peux aussi les brancher ensemble pour faire de la FM, et en plus, il y a des échantillons que je peux modifier avec mes... Si j'ai quelque chose d'assez dispendieux, d'assez bien conçu et branché, il n'y a pas grand-chose qui est impossible, au fond. Tu me dis ça, j'en veux un, là. Ah, ben là, c'est sûr. Et analogique et modulaire aussi, probablement. Moi, en tout cas, c'est ce que je voudrais, là. ceux qui comprennent déjà un petit peu l'univers des synthétiseurs, vous devriez trouver de quoi a l'air le studio du DJ Deadmau5. Pour voir des synthétiseurs modulaires et des trucs analogiques, là, c'est des murs de consoles branchées ensemble. Il n'y a pas une compagnie montréalaise, je pense, ou du moins québécoise, qui fait des synthétiseurs, mais c'est une pile de juste modules, c'est gros, haut comme de 8 pieds de haut. Ben, personnellement, j'en ai pas entendu parler. C'est sûr que si c'est abordable, c'est quelque chose que je voudrais acheter. Mais... Non, c'est pas abordable. C'est une compagnie qui fait ça. C'est ce que je me doutais, là. Si je me trompe pas, on vérifiera. Mais c'est une compagnie québécoise. Puis l'album. Comment il s'appelle déjà, le dernier album de. C'est-tu leur dernier album? Les doutes français, là. Daft Punk. Oui, Daft Punk. Wow. Ouais. J'ai reconnu qui c'était avec un indice. Les doutes français. C'est comme si soit comme c'est plusieurs gars, fait que c'est Daft Punk. C'est pas Justice, admettons. Justice, c'est un gars. Mais ça, l'album c'est Daft Punk. C'est pas Jean-Michel Jarre. Je sais pas. Je sais pas s'il est français. L'est-il? Peut-être. Es-tu mort? Trop de questions, je pense qu'ils vont rester sans réponse. Ouais, pour l'instant, en tout cas, on va fermer le... Aussitôt qu'on arrête d'enregistrer dans Google Time. mais c'est ça, l'album... Disco Inferno, là. Comment il s'appelle, l'album qu'ils ont fait, là, avec... Alors, je connais juste leur album original, là. À eux, j'ai pas vérifié ce qu'ils faisaient avec d'autres artistes. L'album qu'ils ont sorti... Mon dernier, c'était Random Access Memories. Oui, c'est ça. Ah, OK. Ouais, c'est celui-là qu'on parle. Ouais, Random Access Memories a été produit, d'ailleurs, apparemment, je sais pas à quel point c'est vrai, mais tout sur la même tour de cette édition modulaire produite ici au Québec. Mm-hmm. Fierté. Mais ouais. Il y a beaucoup... Plus tu as de modules dessus, plus d'options, plus tu peux faire des... Ben, c'est des ça. J'imagine que Fourier aurait pu dire qu'avec tout son peut être reproduit avec une infinité de modules. Mais probablement qu'il l'avait pas vu comme ça à son époque, surtout étant donné qu'il étudiait la chaleur, la transmission de la chaleur plutôt que le son. C'est surprenant comment les avancées en mathématiques ont des répercussions sur des sciences qui, a priori, sont pas reliées à ce qu'on disait à l'origine. Donc, compréhension des harmoniques et mathématiques. Un mathématicien dirait que tout est mathématique. Ben oui, j'imagine. Mais je sais pas si c'est un peu d'orgueil envers... Donc, est-ce que ça couvre pas mal l'ensemble du sujet, Sébastien? Ben, en fait, on commençait à parler des échantillons, puis à cause de ça, je suis obligé de parler du stockage, puis de la lecture des fichiers ou des micro-fichiers audio. La technique qui est normalement utilisée, mais qui n'est pas la seule, c'est le PCM, qui est le Pulse Code Modulation. Et ça, essentiellement, c'est d'enregistrer une série de voltages qui est reçue par un micro. Je ne suis pas certain du fonctionnement interne du micro, mais on va imaginer que c'est un haut-parleur à l'envers qui reçoit des pressions d'air et qui envoie des voltages. Sauf que là-dessus, j'ai un échantillonneur qui va regarder à un certain intervalle donné le voltage est rendu où. Parce que je peux pas juste enregistrer tous les voltages à tous les moments. Il faut nécessairement que je fasse des lectures arrêtées et que je les compile. C'est la seule façon qu'un ordinateur va comprendre le signal. Et là, je dis ordinateur, mais je prends la définition large, donc un synthétiseur là, de base a des ordinateurs dedans. Là. Des circuits, quelque chose avec un circuit. C'est ça, oui. Ben, de la mémoire, quelque part, qui est binaire. OK. Pour ce qui me concerne. Fait que cette série de voltages-là peut être encodée de différentes façons, mais éventuellement va être resservie à un haut-parleur à travers un autre processus physique qui va régénérer l'onde initiale. Parce que là, ce qu'on comprend, c'est que si j'enregistre des voltages à différents moments, puis je les compile, ça fait une espèce d'escalier de voltage. Ben, dans la vraie vie, on est chanceux parce que les matériaux ne se comportent pas infiniment rapidement. Donc, si j'essaie de faire un escalier sur du matériel électronique, ben, c'est possible que je l'entende dans une certaine mesure, mais ça se peut aussi que, à cause de la friction puis la quantité de courant qui peut passer à la fois, ben, ça arrondisse mes courbes. Puis, ben, normalement, c'est ce que je veux aussi, parce que je veux régénérer le son d'origine. On dit que, habituellement, il faut que j'échantillonne deux fois plus vite que la plus haute fréquence que je veux qu'il soit audible. Donc, l'oreille humaine arrête à peu près à 20 000 Hz. Ça veut dire qu'un échantillonnage à 40 000 Hz, soit 40 000 fois par seconde, ça devrait être suffisant pour la plupart des cas. C'est ce qu'on fait présentement. Ah, parfait. Ça ou 44 000, peut-être? Ouais, pour une raison ou une autre, le standard est à 44 000, peut-être 44 100. Ça a peut-être rapport avec le LA 440.1. Ça se peut. Potentiellement. Ouais, un multiple. Ou 441, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on oublie dans tout ça des harmoniques, sauf qu'on se dit que potentiellement l'oreille humaine ne les entend pas. En réalité, ces harmoniques-là qu'on n'entend pas peuvent interagir et interférer avec celles qu'on entend pour produire des effets qu'on entend. Donc, il y a quand même une perte quelque part. C'est absolument impossible de reproduire un son avec une fidélité absolue. N'empêche que les gens qui aiment le son, qui font du son, vont souvent échantillonner peut-être à 96 000 et plus. Et dans ce cas-là, on parle de kilohertz pour 1000 hertz, fait que 96 kilohertz, quelque chose qui se peut. Et je peux sûrement aller à 128 et plus. Donc, comme ça, je vais saisir toutes les harmoniques. C'est un petit peu comme si j'améliore la résolution de mon son. Là, dans tout ça, on a parlé du taux d'échantillonnage, mais quand je veux changer ça puis le mettre en valeur numérique, nécessairement, on parle de mémoire, donc j'ai besoin de storer ça sous forme de bits. Informatiquement, si j'utilise un seul bit, j'ai seulement deux niveaux pour mon son, qui serait 0 ou 100. D'ailleurs, peut-être que certaines personnes ont entendu parler de la musique à 1 bit. Ça sort principalement d'un haut-parleur à 1 bit. Ça veut dire que le son qui sort de ça ne peut sortir qu'à 0 ou à maximum de volume. Et puis les gens sont très créatifs avec ça. Ils réussissent à donner l'impression de créer des formes d'ondes qui ne sont pas là parce qu'avec ça, je peux seulement générer des ondes carrées. Là. C'est la seule qui est disponible. Ben, je suis capable de faire semblant d'avoir d'autres sortes. C'est de la musique très minimaliste. Tu serais surpris. Ben, je veux dire, parce que quand on parle de musique minimaliste, on parle d'un choix de... un choix de notes relativement limité, donc un choix de bits limité. Ouais. Dans ce cas-ci, je dirais que c'est pas de la musique lo-fi, c'est de la musique no-fi. Non, non, non, mais... genre... comment il s'appelle, là? Glass, le gars qui a fait la musique de... Philippe Glass. Philippe Glass, c'est la musique minimaliste. Parce qu'il choisit un nombre de notes restreint. Donc, OK, oui. Il minimalise les notes, même si la musique sonne pleine. Fait qu'on pourrait potentiellement dire que la musique a un bit, c'est... Ben, il faut pas se mélanger avec l'amplitude puis la fréquence. Ah, OK. Là, c'est que j'ai seulement un volume qui est disponible, mais je peux vibrer à la fréquence que je veux. Mm. Puis j'ai un avantage, c'est qu'un petit peu comme l'effet d'escalier du haut-parleur de tantôt, mon petit haut-parleur à un bit, il y a probablement une inertie quand même. En fait, c'est connu, là, il y a une inertie dans les matériaux. Ce que ça veut dire, c'est que si ma fréquence électrique est suffisamment bonne pour que je puisse envoyer juste des petites ondes carrées à la bonne fréquence, je peux soutenir mon haut-parleur à un niveau intermédiaire à 100%. Et ça, c'est que de la théorie, mais en pratique, ça fonctionne. Donc, si au lieu d'envoyer une onde carrée complète à chaque fois, j'envoie juste un petit morceau suivi d'un plus gros morceau, suivi d'un plus gros morceau et que je commence à rapetisser, je peux approximer une onde sinusoïdale avec. À partir de là, on sait que je peux faire n'importe quoi. Ça va sonner très mauvais. Ça va sonner comme une canne de conserve ou comme une carte de bonne fête parce que c'est des haut-parleurs à un bit. Mais tout est en fait possible même avec ces haut-parleurs-là. C'est juste que la qualité est relativement mauvaise. Ces haut-parleurs-là sont dans pratiquement tous les ordinateurs. Fait que quand il y a un son qui sort, mais que l'ordinateur n'a pas de haut-parleur, en réalité, c'est ce haut-parleur-là qui est probablement sur la carte mère. Et dans le temps du ZX Spectrum, cet ordinateur-là avait comme seule source de son ce petit haut-parleur-là. Parce qu'il y avait une espèce de microprocesseur qui contrôlait à peu près tout, sauf que son contrôle du son se résumait à deux pins qui étaient on ou off. Donc le son apparaissait limité, sauf que des experts comme Tim Fallon, si je ne me trompe pas, étaient capables de générer des pièces très impressionnantes avec ce matériel-là. Tim Fallon, c'est un magicien. de la musique électronique, là. Et ben pas juste électronique, mais plus particulièrement de vieux ordinateurs avec peu de capacité. Ouais, la chanson d'intro du jeu Solstice, je pense. Oui. Et c'est... sur le vieux Nintendo. Ouais. Il fait exprès pour partir de manière moche, puis après ça, te faire comme un éclat de comme « Waouh, tu t'attends pas à ça! » Puis aussi, c'est quoi déjà? C'est Pictionary? Oui, Pictionary. C'est pas un jeu que t'as envie vraiment de jouer sur ton Nintendo quand t'es un enfant, là. Ça, Géopardy, là, des trucs qui ont l'air moches. Mais la musique est folle. T'entends la toune de Pictionary, t'as envie de jouer. Là, tu te rends à jouer à Pictionary. Mais ouais, effectivement, avec assez de créativité, tu peux... Ouais, ben tu peux produire un peu n'importe quoi. Tant que, dans ce cas-ci, tant que tu as accès à toutes les fréquences que tu veux, tant que ton courant électrique, tu peux le faire varier assez vite. Parce que si j'étais limité à faire varier mon courant juste 60 fois par seconde, je pourrais faire presque rien. Là. Ou disons, je pourrais changer ma fréquence 60 fois par seconde, je serais incapable. J'aurais des belles bandes de fréquences qui seraient plus élevées que 60 fois par seconde, mais... je pourrais juste les changer à certains intervalles, donc j'aurais pas toutes les possibilités. Bon, ça, c'est la musique 1 bit. Il peut y avoir de la musique à 2 bits. Il peut en avoir à 4 bits aussi. En fait, quand on pense au vieux Nintendo, justement, la carte de son avait une sortie à 4 bits. Et ben, on dit que c'est de la musique 8 bits, mais c'est seulement à cause de l'ordinateur principal, là. La carte de son ou le processeur son était seulement capable de sortir à 4 bits. Et puis ça, là-dessus, c'est intéressant. C'est pas tout à fait un synthétiseur, c'est plus un générateur de tonalité. Avec l'exception qu'il y avait quelques trucs de permis. Là-dessus, il y avait 5 oscillateurs, si je ne me trompe pas. Les deux premiers avaient des ondes carrées ou des ondes pulses. Dans le fond, j'ai jamais expliqué ça, mais l'onde pulse et l'onde carrée, c'est plus ou moins la même chose, sauf que l'onde carrée, c'est le cas limite où le pulse a une durée équivalente à 100% et à 0%. Fait que sur le vieux Nintendo, mes deux pulses ont quatre différents modes. Je peux les mettre à 50-50 pour faire une onde carrée, mais je peux aussi les mettre, je pense, à 25-75, puis à 12.5, peu importe. Ensuite de ça, j'ai une onde triangle, j'ai un générateur de bruit, du bruit blanc, qui sert souvent à faire des percussions ou des sons de machine. Fait que si je veux avoir un jeu avec des voitures, je vais utiliser l'espèce de bruit blanc. Puis faire des cymbales. Puis le dernier oscillateur, en fait, je pouvais faire jouer des enregistrements. Donc ça, c'est un DPCM. Tantôt, on parlait du PCM, le Pulse Code Modulation, qui est la façon d'enregistrer nos données. Ce système-là fonctionne un petit peu plus comme un téléphone, le DPCM. C'est du Delta Pulse Code Modulation. Donc au lieu d'enregistrer les valeurs de voltage pour chaque échantillon, ça enregistre la différence entre le précédent, quelque chose comme ça. Fait que dans le fond, c'est possible d'encoder plus de données en un peu moins de place, avec une certaine perte de qualité. Fait que là, je résume, il y a probablement des ingénieurs son qui trouvent que c'est une très mauvaise description, mais ça donne une idée. On fait ce qu'on peut à Epistemia. Fait que avec le son 4 bits puis le DPCM, je peux faire l'introduction de Blades of Steel en toute voix par quelqu'un qui parle dans un micro. On verra si on peut le mettre dans l'exemple. Ou Skate or Die aussi. Suivant ça, on avait les consoles 16 bits. Quand je pense au Sega Genesis, il y a un fait intéressant. La chip Yamaha qu'il y avait là-dessus, c'est une modification d'un synthétiseur FM existant. Le synthétiseur existant était capable de sortir du son à 14 bits. Quelque chose d'un peu étrange. D'après moi, c'était un peu comme un processeur 16 bits, puis les deux bits suivants servaient à encoder autre chose. Sauf qu'ils l'ont coupé pour faire un petit peu moins cher, puis enlever des fonctions. Fait qu'entre autres, d'après moi, il devrait avoir 6 à 8 opérateurs dessus, puis le Sega Genesis en a laissé 4. Mais la sortie aussi de son est seulement à 9 bits. Ce qui semble très étrange. Mais ça nous donne une idée de la quantité de niveaux de voltage différents. Fait que ce que ça fait, c'est qu'il y a plus de marche à mon escalier au lieu de passer juste de 0 à 100. Fait que ça, dans le fond, c'est pas mal tout ce qui gère le son d'un point de vue numérique. Et puis, je pense que ça gouverne encore comment on fonctionne aujourd'hui, là, les taux d'échantillonnage. Ça fait qu'à l'occasion, une chanson est encodée, est en MP3, mais peut-être son taux et sa profondeur en bits ne sont pas les bons, fait que ça ne jouera pas sur tel ou tel lecteur. Ça va faire une différence. Ça implique de faire une conversion qui est plus avancée que convertir juste de MP3 à WAV à .ogg, mais de pratiquement carrément réenregistrer le morceau. Il va falloir probablement l'interpréter dans une plus grande profondeur de bit pour avoir un peu d'espace, et ensuite le réencoder dans un autre format. C'est ce qui explique des fois les problèmes de compatibilité qui semblent inexplicables. Ah, je savais pas qu'il y en avait vraiment. As-tu jamais rencontré ce type de problème-là? Je pense pas, non. C'est quelque chose que j'ai vu... Dans une auto, un radio d'auto qui prenait les clés USB, qui acceptait tous les fichiers MP3, sauf ceux qui étaient apparemment pas encodés pour jouer selon ses spécifications. Ouais, ouais. Voilà, oui, j'ai rencontré ça dans genre, il lit pas les... pas certains MP3, ou peut-être j'ai trouvé ça, mais des fois les Windows Media... Oui, ça peut arriver, mais dans ce cas-ci, on parle carrément d'une organisation de fichiers qui est différente. Okay. Fait que c'est de l'informatique de beaucoup plus haut niveau, là, quand même. Okay. Ben écoute, Sébastien, notre temps tire à sa fin. J'ai parti de mon timer un peu en retard. Je sais que ça fait comme plus d'une heure qu'on parle. Wow. Ouais. Fait que juste pour dire, pour finir, on l'a pas mentionné au début, mais toi, tu t'intéresses à ça parce que tu fais un peu de musique, justement, ouais, ben, numérique. En fait, mon deuxième nom, c'est Banana Blob. Et puis, je pense que la première fois, tu te demandais si on était pour m'appeler comme ça pendant les présentations. En fait, je veux dire, ça serait approprié. Epistemia, c'est sérieux. Je ne suis pas pour t'appeler Blob. Soudainement, que je m'échappe en plein milieu. Comme, ah oui, Blob, parle-moi du fromage, Blob. C'est qu'aujourd'hui, je peux venir en tant que musicien, donc ça aurait été correct. Cool. Ben, pour faire la sortie de notre épisode, je pense qu'on va jouer une petite pièce. Ah, ça serait plaisant, ça. Je vous en offre une. Excellent. Merci beaucoup, Sébastien. Ben, merci à toi. C'était fascinant. We'll be right back.